Section 5 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Première partie, livre 4e. Telle marche. Chapitre 1. Le haut de la dune. Le vieillard laissa disparaître Al-Malo, puis serra son manteau de mer autour de lui et se mit en marche. Il cheminait à pas lents, pensif. Il se dirigeait vers Huyn, pendant que Al-Malo s'en allait vers Beauvoir. Derrière lui se dressait, énorme triangle noir, avec sa tiare de cathédrale et sa cuirasse de forteresse, avec ses deux grosses tours du Levant, l'une ronde, l'autre carrée, qui aide la montagne à porter le poids de l'église et du village, le mont Saint-Michel, qui est à l'océan ce que Khéops est au désert. Les sables mouvants de la baie du mont Saint-Michel déplacent insensiblement leurs dunes. Il y avait à cette époque, entre Huynes et Ardevon, une dune très haute, effacée aujourd'hui. Cette dune, qu'un coup d'équinoxe a nivelé, avait cette rareté d'être ancienne, et de porter à son sommet une pierre miliaire, érigée au XIIe siècle, en commémoration du concile, tenu à Avranches contre les assassins de saint Thomas de Cantorbury. Du haut de cette dune, on découvrait tout le pays, et l'on pouvait s'orienter. Le vieillard marcha vers cette dune et y monta. Quand il fut sur le sommet, il s'adossa à la pierre miliaire, s'assit sur une des quatre bornes qui en marquaient les angles, et se mit à examiner l'espèce de carte de géographie qu'il avait sous les pieds. Il semblait chercher une route dans un pays d'ailleurs connu. Dans ce vaste paysage, trouble à cause du crépuscule, il n'y avait de précis que l'horizon, noir sur un ciel blanc. On y apercevait les groupes de toits de 11 bourgs et villages. On distinguait, à plusieurs lieues de distance, tous les clochers de la côte qui sont très hauts, afin de servir au besoin de points de repère aux gens qui sont en mer. Au bout de quelques instants, le vieillard sembla avoir trouvé dans ce clair-obscur ce qu'il cherchait. Son regard s'arrêta sur un enclos d'arbres, de murs et de toitures, à peu près visible au milieu de la plaine et des bois, et qui était une métairie. Il eut ce hochement de tête satisfait d'un homme qui se dit mentalement « C'est là !» Et il se mit à tracer avec son doigt dans l'espace l'ébauche d'un itinéraire à travers les haies et les cultures. De temps en temps, il examinait un objet informe et peu distinct qui s'agitait au-dessus du toit principal de la métairie, et il semblait se demander « Qu'est-ce que c'est ? » Cela était incolore et confus à cause de l'heure. Ce n'était pas une girouette, puisque cela flottait. Et il n'y avait aucune raison pour que ce fût un drapeau. Il était là. Il restait volontiers assis sur cette borne où il était, et il se laissait aller à cette sorte de vague oubli que donne aux hommes fatigués la première minute de repos. Il y a une heure du jour qu'on pourrait appeler l'absence de bruit. C'est l'heure sereine, l'heure du soir. On était dans cette heure-là. Il en jouissait. Il regardait, il écoutait. Quoi ? La tranquillité. Les farouches eux-mêmes ont leur instant de mélancolie. Subitement, cette tranquillité fut non troublée, mais accentuée par des voix qui passaient. C'étaient des voix de femmes et d'enfants. Il y a parfois dans l'ombre de ces carillons de joie inattendus. On ne voyait point, à cause des broussailles, le groupe d'où sortaient les voix, mais ce groupe cheminait au pied de la dune et s'en allait vers la plaine et la forêt. Ces voix montaient, claires et fraîches, jusqu'au vieillard pensif. Elles étaient si près qu'il n'en perdait rien. Une voix de femme disait « Dépêchons-nous, la fléchade, est-ce par ici ?»« Non, c'est par là !» Et le dialogue continuait entre les deux voix, l'une haute, l'autre timide. « Comment appelez-vous cette métairie que nous habitons en ce moment ?»« L'herbe en pelle. »« En sommes-nous encore loin ?»« À un bon quart d'heure. »« Dépêchons-nous d'aller manger la soupe. »« C'est vrai que nous sommes en retard. »« Il faudra courir, mais vos mômes sont fatigués. »« Nous ne sommes que deux femmes, nous ne pouvons pas porter trois mioches. »« Et puis, vous en portez déjà un, vous, la fléchade. » Un vrai plomb. Vous l'avez sevré, cette goinfre, mais vous la portez toujours, mauvaise habitude. Faites-moi donc marcher ça. Ah, tant pis, la soupe sera froide. Ah, les bons souliers que vous m'avez donnés là, on dirait qu'ils sont faits pour moi. Ça vaut mieux que d'aller nu-pattes. Dépêche-toi donc, René-Jean. C'est pourtant lui qui nous a retardés. Il faut qu'il parle à toutes les petites paysannes qu'on rencontre. Ça fait son homme. Dame, il va sur ses 5 ans. Dis donc, René-Jean, pourquoi as-tu parlé à cette petite dans le village ? Une voix d'enfant, qui était une voix de garçon, répondit « Parce que c'est une que je connais. » La femme reprit « Comment tu la connais ?»« Oui, répondit le petit garçon, puisqu'elle m'a donné des bêtes ce matin. »« Voilà qui est fort !» s'écria la femme. « Nous ne sommes dans le pays que depuis 3 jours, c'est gros comme le poing, et ça vous a déjà une amoureuse ?» Les voix s'éloignèrent. Tout bruit, c'est ça. Chapitre 2. Horès habet et non odiet. Le vieillard restait immobile. Il ne pensait pas, à peine songeait-il. Autour de lui, tout était sérénité, assoupissement, confiance, solitude. Il faisait grand jour encore sur la dune,

Une partie de l'affiche était imprimée en grosses lettres, et il faisait encore assez de jours pour qu'on pût les lire. Il lut ceci. « République française, une et indivisible. Nous, prieurs de la Marne, représentants du peuple en mission près de l'armée des côtes de Cherbourg, ordonnons, le ci-devant marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, soi-disant prince breton, furtivement débarqué sur la côte de Granville, est mis hors la loi. Sa tête est mise à prix. Il sera payé à qui le livrera, mort ou vivant, la somme de 60 000 livres. Cette somme ne sera point payée en assignats, mais en or. Un bataillon de l'armée des côtes de Cherbourg sera immédiatement envoyé à la rencontre et à la recherche du ci-devant marquis de Lantenac. Les communes sont requises de prêter main-forte. Fait en la maison commune de Granville, le 2 juin 1793, signé Prieur de la Marne. Au-dessous de ce nom, il y avait une autre signature qui était en beaucoup plus petit caractère et que l'on pouvait lire à cause du peu de jours qui restaient. Le vieillard rabaissa son chapeau sur ses yeux, croisa sa cape de mer jusque sous son menton et descendit rapidement la dune. Il était évidemment inutile de s'attarder sur ce sommet éclairé. Il y avait été peut-être trop longtemps déjà. Le haut de la dune était le seul point du paysage qui fut resté visible. Quand il fut en bas et dans l'obscurité, il ralentit le pas. Il se dirigeait dans le sens de l'itinéraire qu'il s'était tracé vers la métairie, ayant probablement des raisons de sécurité de ce côté-là. Tout était désert. C'était l'heure où il n'y a plus de passants. Derrière une broussaille, il s'arrêta, défit son manteau, retourna sa veste du côté velu, rattacha à son cou son manteau qui était une guenille nouée d'une corde et se remit en route. Il faisait clair de lune. Il arriva à un embranchement de deux chemins où se dressait une vieille croix de pierre. Sur le piédestal de la croix, on distinguait un carré blanc, qui était vraisemblablement une affiche pareille à celle qu'il venait de lire. Il s'en approcha. « Où allez-vous ? » lui dit une voix. Il se retourna. Un homme était là, dans les haies, de haute taille comme lui, vieux comme lui en cheveux blancs, et plus en haillons encore que lui-même, presque son pareil. Cet homme s'appuyait sur un long bâton. L'homme reprit. « Je vous demande où vous allez. D'abord, où suis-je » dit-il avec un calme presque hautain. L'homme répondit. « Vous êtes dans la seigneurie de Tanis, et j'en suis le mendiant, et vous en êtes le seigneur. Moi ? Oui, vous, monsieur le marquis de Lantenac. » Chapitre 4. Le caïman. Le marquis de Lantenac, nous le nommerons par son nom désormais, répondit gravement. « Soit, livrez-moi. » L'homme poursuivit. « Nous sommes tous les deux chez nous ici, vous dans le château, moi dans le buisson. Finissons, faites, livrez-moi, » dit le marquis. L'homme continua. « Vous alliez à la métairie d'Abampel, n'est-ce pas ? Oui, n'y allez point. Pourquoi ? Parce que les bleus y sont. Depuis quand ? Depuis 3 jours. Les habitants de la ferme et du hameau ont-ils résisté ? Non, ils ont ouvert toutes les portes. « Ah ! » dit le marquis. L'homme montra du doigt le toit de la métairie qu'on apercevait à quelque distance par-dessus les arbres. « Voyez-vous le toit, monsieur le marquis ? Oui. Voyez-vous ce qu'il y a dessus, qui flotte ? Oui, c'est un drapeau. Tricolore, dit l'homme. C'était l'objet qui avait déjà attiré l'attention du marquis quand il était au haut de la dune. « Ne sonne-t-on pas le tocsin ? » demanda le marquis. « Oui. À cause de quoi ? Évidemment à cause de vous, mais on ne l'entend pas. C'est le vent qui empêche. » L'homme continua. « Vous avez vu votre affiche ? Oui. On vous cherche. » Et, jetant un regard du côté de la métairie, il ajouta. « Il y a là un demi-bataillon. De républicains ? Parisiens. « Eh bien, dit le marquis, marchons. » Et il fit un pas vers la métairie. L'homme lui saisit le bras. « N'y allez pas. Et où voulez-vous que j'aille ? Chez moi. » Le marquis regarda le mendiant. « Écoutez, monsieur le marquis, ce n'est pas beau chez moi, mais c'est sûr. Une cabane plus basse qu'une cave, pour plancher un lit de varech, pour plafond un toit de branches et d'herbes, venez. À la métairie, vous seriez fusillé. Chez moi, vous dormirez. Vous devez être là, et demain matin, les bleus se seront remis en marche, et vous irez où vous voudrez. » Le marquis considérait cet homme. « De quel côté êtes-vous donc ? » demanda le marquis. « Êtes-vous républicain ? Êtes-vous royaliste ? Je suis un pauvre. Ni royaliste, ni républicain ? Je ne crois pas. Êtes-vous pour ou contre le roi ? Je n'ai pas le temps de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ? Je n'ai pas de quoi vivre. Pourtant, vous venez à mon secours. J'ai vu que vous étiez hors la loi. Qu'est-ce que c'est que cela, la loi ? On peut donc être dehors ? Je ne comprends pas. Quant à moi, suis-je dans la loi ? Suis-je hors la loi ? Je n'en sais rien. Mourir de faim ? Est-ce être dans la loi ? Depuis quand mourrez-vous de faim ? Depuis toute ma vie. Et vous me sauvez ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, voilà encore un plus pauvre que moi. J'ai le droit de respirer, lui ne l'a pas. C'est vrai, et vous me sauvez. Sans doute. Nous voilà frères, monseigneur. Je demande du pain, vous demandez la vie. Nous sommes deux mendiants. Mais savez-vous que ma tête est mise à prix ? Oui. Comment le savez-vous ? J'ai lu l'affiche. Vous savez lire ? Oui, et écrire aussi. Pourquoi serais-je une brute ? Alors, puisque vous savez lire, et puisque vous avez lu l'affiche, vous savez qu'un homme qui me livrerait gagnerait 60 000 francs ? Je le sais. Pas en assignat, oui, je sais, en or. Vous savez que 60 000 francs, c'est une fortune ? Oui. Et que quelqu'un qui me livrerait ferait sa fortune ? Eh bien, après, sa fortune ! C'est justement ce que j'ai pensé. En vous voyant, je me suis dit, quand je pense que quelqu'un qui livrerait cet homme-ci gagnerait 60 000 francs et ferait sa fortune, dépêchons-nous de le cacher. Le marquis suivit le pauvre. Ils entrèrent dans un fourré. La tanière du mendiant était là. C'était une sorte de chambre qu'un grand vieux chêne avait laissé prendre chez lui à cet homme. Elle était creusée sous ses racines et couverte de ses branches. C'était obscur, bas, caché, invisible. Il y avait place pour deux. J'ai prévu que je pouvais avoir un hôte, dit le mendiant. Cette espèce de logis sous terre, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, s'appelle en langue paysanne carnichot. Ce nom s'applique aussi à des cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. C'est meublé de quelques pots, d'un grabat de paille ou de goémon lavé et séché, d'une grosse couverture de créseau et de quelques mèches de suif avec un briquet et des tiges creuses de branurcine pour allumettes. Ils se courbèrent, rampèrent un peu, pénétrèrent dans la chambre où les grosses racines de l'arbre découpaient des compartiments bizarres, et s'assirent sur un tas de varech secs qui était le lit. L'intervalle de deux racines par où l'on entrait et qui servait de porte donnait quelques clartés. La nuit était venue, mais le regard se proportionnait à la lumière, et l'on finit par trouver toujours un peu de jour dans l'ombre. Un reflet du clair de lune blanchissait vaguement l'entrée. Il y avait dans un coin une cruche d'eau, une galette de sarrasin et des châtaignes. « Soupons !» dit le pauvre. Ils se partagèrent les châtaignes. Le marquis donna son morceau de biscuit. Ils mordirent à la même miche de blé noir et burent à la cruche, l'un après l'autre. Ils causèrent. Le marquis se mit à interroger cet homme. « Ainsi, tout ce qui arrive ou rien, c'est pour vous la même chose. À peu près, vous êtes des seigneurs, vous autres, ce sont vos affaires. Mais enfin, ce qui se passe, ça se passe là-haut, » le mendiant ajouta. « Et puis, il y a des choses qui se passent encore plus haut, le soleil qui se lève, la lune qui augmente ou diminue, c'est de celle-là que je m'occupe. » Il but une gorgée à la cruche et dit « La bonne eau fraîche !» Et il reprit « Comment trouvez-vous cette eau, monseigneur ? Comment vous appelez-vous » dit le marquis. « Je m'appelle Telmarche, et on m'appelle le Caïman. » « Je sais, Caïman est un mot du pays, qui veut dire mendiant. On me surnomme aussi le vieux. » Il poursuivit. « Voilà 40 ans qu'on m'appelle le vieux. »« 40 ans ? Mais vous étiez jeune. » »« Je n'ai jamais été jeune. Vous l'êtes toujours, vous, monsieur le marquis. Vous avez des jambes de 20 ans, vous escaladez la grande dune. Moi, je commence à ne plus marcher. Au bout d'un quart de lieue, je suis là. Nous sommes pourtant du même âge, mais les riches, ça a sur nous un avantage. C'est que ça mange tous les jours. » Manger conserve. Le mendiant, après un silence, continua. Les pauvres, les riches, c'est une terrible affaire. C'est ce qui produit les catastrophes. Du moins, ça me fait cet effet-là. Les pauvres veulent être riches, les riches ne veulent pas être pauvres. Je crois que c'est un peu là le fond. Je ne m'en mêle pas. Les événements sont les événements. Je ne suis ni pour le créancier, ni pour le débiteur. Je sais qu'il y a une dette et qu'on la paye, voilà tout. J'aurais mieux aimé qu'on ne tue pas le roi, mais il me serait difficile de dire pourquoi. Après ça, on me répond. « Mais autrefois, comment vous accrochez les gens aux arbres pour rien du tout ? Tenez, moi, pour un méchant coup de fusil tiré à un chevreuil du roi, j'ai vu pendre un homme qui avait une femme et 7 enfants. Il y a à dire des deux côtés. » Il se tut encore, puis ajouta. « Vous comprenez, je ne sais pas au juste, on va, on vient, il se passe des choses. Moi, je suis là sous les étoiles. » Telmarche eut encore une interruption de rêverie, puis continua. « Je suis un peu rebouteux, un peu médecin, je connais les herbes, je tire parti des plantes. » Les paysans me voient attentif devant rien, et cela me fait passer pour sorcier. Parce que je songe, on croit que je sais. Vous êtes du pays ? Dit le marquis. Je n'en suis jamais sorti. Vous me connaissez ? Sans doute. La dernière fois que je vous ai vu, c'était à votre dernier passage, il y a 2 ans. Vous êtes allé d'ici en Angleterre. Tout à l'heure, j'ai aperçu un homme au haut de la dune, un homme de grande taille. Les hommes grands sont rares. C'est un pays d'hommes petits, la Bretagne. J'ai bien regardé, j'avais vu l'affiche, j'ai dit « Tiens !» Et quand vous êtes descendu, il y avait de la lune. Je vous ai reconnu. Pourtant, moi, je ne vous connais pas. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas vu. Et Telmarche de Caïman ajouta. Je vous voyais, moi, de mendiant à passant. Le regard n'est pas le même. Est-ce que je vous avais rencontré autrefois ? Souvent, puisque je suis votre mendiant. J'étais le pauvre du bas du chemin de votre château. Vous m'avez dans l'occasion fait l'aumône. Mais celui qui donne ne regarde pas. Celui qui reçoit examine et observe. Qui dit mendiant dit espion. Mais moi, quoique souvent triste, je tâche de ne pas être un mauvais espion. Je tendais la main, vous ne voyiez que la main. et vous y jetiez l'aumône dont j'avais besoin le matin pour ne pas mourir de faim le soir. On est des fois des 24 heures sans manger. Quelquefois, un sou, c'est la vie. Je vous dois la vie, je vous la rends. C'est vrai, vous me sauvez. Oui, je vous sauve, monseigneur. » Et la voix de Telmarche devint grave. « À une condition. Laquelle ? C'est que vous ne venez pas ici pour faire le mal. » « Je viens ici pour faire le bien, » dit le marquis. « Dormons, » dit le mendiant. Ils se couchèrent côte à côte sur le lit de Varech. Le mendiant fut tout de suite endormi. Le marquis, bien que très las, resta un moment rêveur, puis, dans cette ombre, il regarda le pauvre et se coucha. Se coucher sur ce lit, c'était se coucher sur le sol. Il en profita pour coller son oreille à terre et il écouta. Il y avait sous la terre un sombre bourdonnement. On sait que le son se propage dans les profondeurs du sol. On entendait le bruit des cloches. Le tocsin continuait. Le marquis s'endormit. Chapitre 5. Signé Gauvin. Quand il se réveilla, il faisait jour. Le mendiant était debout, non dans la tanière, car on ne pouvait s'y tenir droit, mais dehors et sur le seuil. Il était appuyé sur son bâton. Il y avait du soleil sur son visage. « Monseigneur, dit Telmarche, 4 heures du matin viennent de sonner au clocher de Tanis. J'ai entendu les 4 coups, donc le vent a changé, c'est le vent de terre. Je n'entends aucun autre bruit, donc le tocsin a cessé. Tout est tranquille dans la métairie et dans le hameau d'Herbampelle. Les bleus dorment ou sont partis. Le plus fort du danger est passé. Il est sage de nous séparer. C'est mon heure de m'en aller. » Il désigna un point de l'horizon. « Je m'en vais par là. » Et il désigna le point opposé. « Vous, allez-vous-en par ici. » Le mendiant fit au marquis un grave salut de la main. Il ajouta, en montrant ce qui restait du souper, « Emportez des châtaignes si vous avez faim. » Un moment après, il avait disparu sous les arbres. Le marquis se leva et s'en alla du côté que lui avait indiqué Telmarche. C'était l'heure charmante que la vieille langue paysanne normande appelle la piperette du jour. On entendait jaser les cardrounettes et les moineaux de haie. Le marquis suivit le sentier par où ils étaient venus la veille. Il sortit du fourré et se retrouva à l'embranchement de route marqué par la croix de pierre. L'affiche y était, blanche et comme gaie au soleil levant. Il se rappela qu'il y avait au bas de l'affiche quelque chose qu'il n'avait pu lire la veille à cause de la finesse des lettres et du peu de jour qu'il faisait. Il alla au piédestal de la croix. L'affiche terminait en effet, au-dessous de la signature « Prieur de la Marne », par ces 2 lignes, en petites caractères. L'identité du ci-devant marquis de Lantenac constatée, il sera immédiatement passé par les armes. Signé, le chef de bataillon, commandant la colonne d'expédition, Gauvin. « Gauvin !» dit le marquis. Il s'arrêta profondément pensif, l'œil fixé sur l'affiche. « Gauvin !» répéta-t-il. Il se remit en marche, se retourna, regarda la croix, revint sur ses pas et lut l'affiche encore une fois. Puis il s'éloigna à pas lents. Quelqu'un qui eût été près de lui l'eût entendu murmurer à demi-voix. « Gauvin !» Du fond des chemins creux où il se glissait, on ne voyait pas les toits de la métairie qu'il avait laissée à sa gauche. Il côtoyait une éminence abrupte, toute couverte d'ajoncs en fleurs, de l'espèce dite « longue épine ». Cette éminence avait pour sommet une de ces pointes de terre qu'on appelle dans le pays une hure. Au pied de l'éminence, le regard se perdait tout de suite sous les arbres. Les feuillages étaient comme trempés de lumière. Toute la nature avait la joie profonde du matin. Tout à coup, ce paysage fut terrible. Ce fut comme une embuscade qui éclate. On ne sait quelle trompe faite de cris sauvages et de coups de fusil s'abattit sur ces champs et ces bois pleins de rayons, et l'on vit s'élever du côté où était la métairie une grande fumée coupée de flammes claires, comme si le hameau et la ferme n'étaient plus qu'une botte de paille qui brûlait. Ce fut subite et lugubre, le passage brusque du calme à la furie. Une explosion de l'enfer en pleine horreur. L'horreur sans transition. On se battait du côté d'Herbampelle. Le marquis s'arrêta. Il n'est personne qui, en pareil cas, ne l'ait éprouvé. La curiosité est plus forte que le danger. On veut savoir, dut-on périr. Il monta sur l'éminence au bas de laquelle passait le chemin creux. De là, on était vu, mais on voyait. Il fut sur la hure en quelques minutes. Il regarda. En effet, il y avait une fusillade et un incendie. On entendait les clameurs envoyer du feu. La métairie était comme le centre de ne sait quelle catastrophe. Qu'était-ce ? La métairie d'Herbampelle était-elle attaquée ? Mais par qui ? Était-ce un combat ? N'était-ce pas plutôt une exécution militaire ? Les Bleus, et cela leur était ordonné par un décret révolutionnaire, punissaient très souvent en y mettant le feu les fermes et les villages réfractaires. On brûlait pour l'exemple toute métairie et tout hameau qui n'avait point fait les abattis d'arbres prescrits par la loi, et qui n'avait pas ouvert et taillé dans les fourrés des passages pour la cavalerie républicaine. On avait notamment exécuté ainsi tout récemment la paroisse de Bourgon, près d'Ernée. Herbampelle était-il dans le même cas ? Il était visible qu'aucune des percées stratégiques commandées par le décret n'avait été faite dans les Alliés et dans les enclos de Tanis et d'Herbampelle. Était-ce châtiment ? Était-il arrivé un ordre à l'avant-garde qui occupait la métairie ? Cet avant-garde ne faisait-elle pas partie d'une de ces colonnes d'expédition surnommées « colonnes infernales » ? Un fourré très hérissé et très fauve entourait de toutes parts l'éminence au sommet de laquelle le marquis s'était placé en observation. Ce fourré, qu'on appelait le bocage d'Abompel, mais qui avait les proportions d'un bois, s'étendait jusqu'à la métairie et cachait, comme tous les alliés bretons, un réseau de ravins, de sentiers et de chemins creux, labyrinthe où les armées républicaines se perdaient. L'exécution, si c'était une exécution, avait dû être féroce car elle fut courte. Ce fut, comme toutes les choses brutales, tout de suite fait. L'atrocité des guerres civiles comporte ses sauvageries. Pendant que le marquis, multipliant les conjectures, hésitant à descendre, hésitant à rester, écoutait et épiait, ce fracas d'extermination cessa, ou pour mieux dire, se dispersa. Le marquis constata dans le hallier comme l'éparpillement d'une troupe furieuse et joyeuse. Un effrayant fourmillement se fit sous les arbres. De la métairie, on se jetait dans le bois. Il y avait des tambours qui battaient la charge. On ne tirait plus de coups de fusil. Cela ressemblait maintenant à une battue. On semblait fouiller, poursuivre, traquer. Il était évident qu'on cherchait quelqu'un. Le bruit était diffus et profond. C'était une confusion de paroles de colère et de triomphe, une rumeur composée de clameurs. On n'y distinguait rien. Brusquement, comme un linéament se dessine dans une fumée, quelque chose devint articulé et précis dans ce tumulte. C'était un nom répété par mille voix, et le marquis entendit nettement ce cri. « Lantenac ! Lantenac ! Le marquis de Lantenac !» C'était lui qu'on cherchait. Chapitre 6. Les péripéties de la guerre civile. Et subitement autour de lui, et de tous les côtés à la fois, le fourré se remplit de fusils, de baïonnettes et de sabres. Un drapeau tricolore se dressa dans la pénombre. Le cri « Lantenac !» éclata à son oreille, et à ses pieds, à travers les ronces et les branches, des faces violentes apparurent. Le marquis était seul, debout sur un sommet, visible de tous les points du bois. Il voyait à peine ceux qui criaient son nom, mais il était vu de tous. S'il y avait 1000 fusils dans le bois, il était là comme une cible. Il ne distinguait rien dans le taillis, que des prunelles ardentes fixées sur lui. Il ôta son chapeau, en retroussa le bord, arracha une longue épine sèche à un ajon, tira de sa poche une cocarde blanche, fixa avec l'épine de bord retroussé et la cocarde à la forme du chapeau, et, remettant sur la tête le chapeau dont le bord relevé laissait voir son front et sa cocarde, il dit d'une voix haute, parlant à toute la forêt à la fois, « Je suis l'homme que vous cherchez, je suis le marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, prince breton, lieutenant général des armées du roi. Finissons-en, en joue, feu !» Et, écartant de ses deux mains sa veste de peau de chèvre, il montra sa poitrine nue. Il baissa les yeux, cherchant du regard les fusils braqués, et se vit entouré d'hommes à genoux. Un immense cri s'éleva. « Vive Lantenac ! Vive monseigneur ! Vive le général !» En même temps, des chapeaux sautaient en l'air, des sabres tournoyaient joyeusement, et l'on voyait dans tout le taillis se dresser des bâtons au bout desquels s'agitaient des bonnets de laine brune. Ce qu'il avait autour de lui, c'était une bande vendéenne. Cette bande s'était agenouillée en le voyant. La légende raconte qu'il y avait dans les vieilles forêts thuringiniennes des êtres étranges, race des géants, plus et moins comme, qui étaient considérés par les Romains comme des animaux horribles et par les Germains comme des incarnations divines et qui, selon la rencontre, couraient la chance d'être exterminés ou adorés. Le marquis éprouva quelque chose de pareil à ce que devait ressentir un de ces êtres quand, s'attendant à être traité comme un monstre, il était brusquement traité comme un dieu. Tous ses yeux, pleins d'éclairs redoutables, se fixaient sur le marquis avec une sorte de sauvage amour. Cette cohue était armée de fusils, de sabres, de faux, de pioches, de bâtons. Tous avaient de grands feutres ou des bonnets bruns, avaient des cocardes blanches, une profusion de rosaires et d'amulettes, de larges culottes ouvertes aux genoux, des casaques de poils, des guêtres en cuir, le jarret nu, les cheveux longs, quelques-uns l'air féroce, tous l'œil naïf. Un homme, jeune et de belle mine, traversa les gens agenouillés et monta à grands pas vers le marquis. Cet homme était, comme les paysans, coiffé d'un feutre à bord relevé et à cotarde blanche, et vêtu d'une casaque de poils. Mais il avait les mains blanches et une chemise fine, et il portait par-dessus sa veste une écharpe de soie blanche à laquelle pendait une épée à poignée dorée. Parvenu sur la hure, il jeta son chapeau, détacha son écharpe, mit un genou en terre, présenta au marquis l'écharpe et l'épée et dit « Nous vous cherchions en effet, nous vous avons trouvé. Voici l'épée de commandement. Ces hommes sont maintenant à vous. J'étais leur commandant, je monte en grade, je suis votre soldat. Acceptez notre hommage, monseigneur, donnez vos ordres, mon général. » Puis il fit un signe, et des hommes qui portaient un drapeau tricolore sortirent du bois. Ces hommes montèrent jusqu'au marquis et déposèrent le drapeau à ses pieds. C'était le drapeau qu'il venait d'entrevoir à travers les arbres. « Mon général, dit le jeune homme qui lui avait présenté l'épée et l'écharpe, Ceci est le drapeau que nous venons de prendre au bleu qui était dans la ferme d'Hermampel. Monseigneur, je m'appelle Gavard. J'ai été au marquis de la Rouarie. C'est bien, dit le marquis. Et, calme et grave, il ceignit l'écharpe. Puis il tira l'épée, et, l'agitant nue au-dessus de sa tête, « Debout, dit-il, et vive le roi !» Tous se levèrent, et l'on entendit dans les profondeurs du bois une clameur éperdue et triomphante. « Vive le roi! Vive notre marquis! Vive Lantenac !» Le marquis se tourna vers Gavard. « Combien donc êtes-vous ? 7 000 !» Et tout en descendant de l'éminence, pendant que les paysans écartaient les ajoncs devant les pas du marquis de Lantenac, Gavard continua. « Monseigneur, rien de plus simple. Tout cela s'explique d'un mot. On n'attendait qu'une étincelle. L'affiche de la République, en révélant votre présence, a insurgé le pays pour le roi. Nous avions en outre été avertis sous-main par le maire de Granville, qui est un homme à nous, le même qui a sauvé l'abbé Olivier. Cette nuit, on a sonné le tocsin. Pour qui ? Pour vous. « Ah ! Dit le marquis. Et nous voilà ! Reprit Gavard. Et vous êtes 7 000, aujourd'hui. Nous serons 15 000 demain. C'est le rendement du pays. Quand M. Henri de la Roche-Jacquelin est parti pour l'armée catholique, on a sonné le tocsin, et en une nuit, 6 paroisses, Isernay, Corqueux, les Eux-Chaubragne, les Aubiers, Saint-Aubin et Nuel, lui ont amené 10 000 hommes. On n'avait pas de munitions, on a trouvé chez un maçon 60 livres de poudre de mine, et M. de la Roche-Jacquelin est parti avec cela. Nous pensions bien que vous deviez être quelque part dans cette forêt, et nous vous cherchions. Et vous avez attaqué les Bleus dans la ferme d'Herbampel ? Le vent les avait empêchés d'entendre le tocsin, ils ne se défiaient pas. Les gens du hameau, qui sont pâteaux, les avaient bien reçus. Ce matin, nous avons investi la ferme, les Bleus dormaient, et en un tour de main, la chose a été faite. J'ai un cheval. Daignez-vous l'accepter, mon général ? Oui. Un paysan amena un cheval blanc, militairement harnaché. Le marquis, sans user de l'aide que lui offrait Gavard, monta à cheval. Hurrah ! Crièrent les paysans, car les cris anglais sont fort usités sur la côte bretonne normande en commerce perpétuel avec les îles de la Manche. Gavard fit le salut militaire et demanda « Quel sera votre quartier général, monseigneur ?»« D'abord, la forêt de Fougères. C'est une de vos 7 forêts, monsieur le marquis. Il faut un prêtre, nous en avons un. Qui ?»« Le vicaire de la chapelle Herbray. »« Je le connais, il a fait le voyage de Jersey. » Un prêtre sortit des rangs et dit « 3 fois !» Le marquis tourna la tête. « Bonjour, monsieur le vicaire, vous allez avoir de la besogne. »« Tant mieux, monsieur le marquis. Vous aurez du monde à confesser. Ceux qui voudront, ne force personne. » « Monsieur le marquis, dit le prêtre, Gaston, à Guéménée, force le républicain à se confesser. »« C'est un perruquier, dit le marquis, mais la mort doit être libre. » Gavard, qui était allé donner quelques consignes, revint. « Mon général, j'attends vos commandements. D'abord, le rendez-vous est à la forêt de Fougères, qu'on se disperse et qu'on y aille. » L'ordre est donné. « Ne m'avez-vous pas dit que les gens d'Abampel avaient bien reçu les bleus ?»« Oui, mon général. Vous avez brûlé la ferme ?»« Oui. Avez-vous brûlé le hameau ?»« Non. Brûlez-le. » !»« Les bleus ont essayé de se défendre. » Mais ils étaient 150 et nous étions 7 000. Qu'est-ce que c'est que ces bleus-là ? Des bleus de Santerre. Qui a commandé le roulement de tambour pendant qu'on coupait la tête au roi ? Alors, c'est un bataillon de Paris ? Un demi-bataillon. Comment s'appelle ce bataillon ? Mon général, il y a sur le drapeau « Bataillon du Bonnet Rouge ». Des bêtes féroces. Que faut-il faire des blessés ? Achevez-les. Que faut-il faire des prisonniers ? Fusillez-les. Il y en a environ 80. Fusillez tout. Il y a 2 femmes. Aussi. Il y a 3 enfants. Emmenez-les. On verra ce qu'on en fera. » Et le marquis poussa son cheval. Chapitre 7. Pas de grâce, mot d'ordre de la commune. Pas de quartier, mot d'ordre des princes. Pendant que ceci se passait près de Tanis, le mendiant s'en était allé vers Crolon. Il s'était enfoncé dans les ravins, sous les vastes feuillets sourdes, inattentif à tout et attentif à rien, comme il l'avait dit lui-même. Rêveur plutôt que pensif, car le pensif a un but et le rêveur n'en a pas. Errant, rôdant, s'arrêtant, mangeant çà et là une pousse d'oseille sauvage, buvant aux sources, dressant la tête par moments à des fracas lointains, puis rentrant dans l'éblouissante fascination de la nature, offrant ses haillons au soleil, entendant peut-être le bruit des hommes, mais écoutant le chant des oiseaux. Il était vieux et lent, il ne pouvait aller loin. Comme il l'avait dit au marquis de Lantenac, à un quart de lieue le fatiguait. Il fit un court-circuit vers la croix à Avranchin, et le soir était venu quand il se retourna. Un peu au-delà de Massey, le sentier qu'il suivait le conduisit sur une sorte de point culminant dégagé d'arbres, d'où l'on voit de très loin et d'où l'on découvre tout l'horizon de l'ouest jusqu'à la mer. Une fumée appela son attention. Rien de plus doux qu'une fumée, rien de plus effrayant. Il y a les fumées paisibles et il y a les fumées scélérates. Une fumée, l'épaisseur et la couleur d'une fumée, c'est toute la différence entre la paix et la guerre, entre la fraternité et la haine, entre l'hospitalité et le sépulcre, entre la vie et la mort. Une fumée qui monte dans les arbres peut signifier ce qu'il y a de plus charmant au monde, le foyer, ou ce qu'il y a de plus affreux, l'incendie. Et tout le bonheur comme tout le malheur de l'homme sont parfois dans cette chose et par souvent. La fumée que regardait elle marche était inquiétante. Elle était noire, avec des rougeurs subites, comme si le brasier d'où elle sortait avait des intermittences et achevait de s'éteindre. Et elle s'élevait au-dessus d'Armopel. Telle marche hâta le pas et se dirigea vers cette fumée. Il était bien là, mais il voulait savoir ce que c'était. Il arriva au sommet d'un coteau, auquel étaient adossés le hameau et la métairie. Il n'y avait plus ni métairie ni hameau. Un tas de masures brûlait, et c'était là Armopel. Il y a quelque chose de plus poignant à voir brûler qu'un palais, c'est une chaumière. Une chaumière en feu est lamentable. La dévastation s'abattant sur la misère, le vautour s'acharnant sur le ver de terre. Il y a là on ne sait quel contresens qui serre le cœur. À en croire la légende biblique, un incendie, regardez, change une créature humaine en statue. Telle marche fut un moment cette statue. Le spectacle qu'il avait sous les yeux le fit immobile. Cette destruction s'accomplissait en silence. Pas un cri ne s'élevait. Pas un soupir humain ne se mêlait à cette fumée. Cette fournaise travaillait et achevait de dévorer ce village, sans qu'on entendît d'autre bruit que le craquement des charpentes et le pétillement des chaumes. Par moments, la fumée se déchirait. Les toits effondrés laissaient voir les chambres béantes. Le brasier montrait tous ses rubis, des guenilles écarlates, et de pauvres vieux meubles, couleur de pourpre, se dressaient dans ses intérieurs vermeils. Et telle marche avait le sinistre éblouissement du désastre. Quelques arbres d'une châtaignerie contiguë aux maisons avaient pris feu et flambaient. Il écoutait, tâchant d'entendre une voix, un appel, une clameur. Rien ne remuait, excepté les flammes. Tout se taisait, excepté l'incendie. Est-ce donc que tous avaient fui ? Où était ce groupe vivant et travaillant d'Armopel ? Qu'était devenu tout ce petit peuple ? Telle marche descendit du coteau. Une énigme funèbre était devant lui. Il s'en approchait sans hâte et l'œil fixe. Il avançait vers cette ruine avec une lenteur d'ombre. Il se sentait fantôme dans cette tombe. Il arriva à ce qui avait été la porte de la métairie et il regarda dans la cour qui maintenant n'avait plus de murailles et se confondait avec le hameau groupé autour d'elle. Ce qu'il avait vu n'était rien. Il n'avait encore aperçu que le terrible, l'horrible lui apparut. Au milieu de la cour, il y avait un monceau noir, vaguement modelé d'un côté par la flamme, de l'autre par la lune. Ce monceau était un tas d'hommes. Ces hommes étaient morts. Il y avait autour de ce tas une grande mare qui fumait un peu. L'incendie se reflétait dans cette mare, mais elle n'avait pas besoin du feu pour être rouge. C'était du sang. Telle marche s'approcha. Il se mit à examiner l'un après l'autre ces corps gisants. Tous étaient des cadavres. La lune éclairait, l'incendie aussi. Ces cadavres étaient des soldats. Tous étaient pieds nus. On leur avait pris leurs souliers. On leur avait aussi pris leurs armes. Ils avaient encore leurs uniformes qui étaient bleus. Ça et là, on distinguait, dans l'amoncellement des membres et des têtes, des chapeaux troués avec des cocardes tricolores. C'étaient des républicains. C'étaient ces Parisiens qui, la veille encore, étaient là tous vivants et tenaient garnison dans la ferme d'Armopel. Ces hommes avaient été suppliciés, ce qu'indiquait la chute symétrique des corps. Ils avaient été foudroyés sur place et avec soin. Ils étaient tous morts. Pas un râle ne sortait du tas. Telle marche passa cette revue des cadavres, sans en omettre un seul. Tous étaient criblés de balles. Ceux qui les avaient mitraillés, pressés probablement d'aller ailleurs, n'avaient pas pris le temps de les enterrer. Comme il allait se retirer, ses yeux tombèrent sur un mur bas qui était dans la cour, et il vit quatre pieds qui passaient de derrière l'angle de ce mur. Ses pieds avaient des souliers, ils étaient plus petits que les autres. Telle marche approcha. C'étaient des pieds de femmes. Deux femmes étaient gisantes, côte à côte derrière le mur, fusillées aussi. Telle marche se pencha sur elles. L'une de ces femmes avait une sorte d'uniforme. À côté d'elle était un bidon brisé et vidé. C'était une vivandière. Elle avait quatre balles dans la tête. Elle était morte. Telle marche examina l'autre. C'était une paysanne. Elle était blême et béante. Ses yeux étaient fermés. Elle n'avait aucune plaie à la tête. Ses vêtements, dont les fatigues sans doute avaient fait des haillons, s'étaient ouverts dans sa chute et laissaient voir son torse à demi nu. Telle marche acheva de les écarter et vit à une épaule la plaie ronde que fait une balle. La clavicule était cassée. Il regarda ce sein livide. « Mère et nourrice » murmura-t-il. Il la toucha, elle n'était pas froide. Elle n'avait pas d'autre blessure que la clavicule cassée et la plaie à l'épaule. Il posa la main sur le cœur et sentit un faible battement. Elle n'était pas morte. Telle marche se redressa debout et cria d'une voix terrible. « Y a donc personne ici ? C'est toi le caïman ?» répondit une voix si basse qu'on l'entendait à peine. Et en même temps, une tête sortit d'un trou de ruine. Puis une autre face apparut dans une autre masure. C'étaient deux paysans qui s'étaient cachés, les seuls qui survécussent. La voix connue du caïman les avait rassurés et les avait fait sortir des recoins où ils se blottissaient. Ils avancèrent vers Telmarche, fort tremblant encore. Telmarche avait pu crier, mais ne pouvait parler. Les émotions profondes sont ainsi. Il leur montra du doigt la femme étendue à ses pieds. « Est-ce qu'elle est encore en vie ?» dit l'un des paysans. Telmarche fit de la tête signe que oui. « L'autre femme est-elle vivante ?» demanda l'autre paysan. Telmarche fit signe que non. Le paysan, qui s'était montré le premier, reprit. « Tous les autres sont morts, n'est-ce pas ? J'ai vu cela. J'étais dans ma cave. Comme on remercie Dieu dans ces moments-là de n'avoir pas de famille. La maison brûlait. Seigneur Jésus, on a tout tué. Cette femme-ci avait des enfants, 3 enfants tout petits. Les enfants criaient « Mère !» La mère criait « Mes enfants !» On a tué la mère et on a emmené les enfants. J'ai vu cela, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ceux qui ont tout massacré sont partis, ils étaient contents. Ils ont emmené les petits et tué la mère. Mais elle n'est pas morte, n'est-ce pas ? Elle n'est pas morte. Dis donc, le caïman, et si tu crois que tu pourrais la sauver ? Veux-tu que nous t'aidions à la porter dans ton carnichot ? Telmarche fit signe que oui. Le bois touchait à la ferme. Ils eurent vite fait un brancard avec des feuillages et des fougères. Ils placèrent sur le brancard la femme toujours immobile et se mirent en marche dans le hallier. Les deux paysans portant le brancard, l'un à la tête, l'autre au pied. Telmarche soutenant le bras de la femme et lui tâtant le pouls. Tout en cheminant, les deux paysans causaient, et par-dessus la femme sanglante, dont la lune éclairait la face pâle, ils échangeaient des exclamations effarées. « Tout tué, tout brûlé. Ah, mon Seigneur Dieu, est-ce qu'on va être comme ça à présent ? C'est ce grand homme vieux qui l'a voulu. Oui, c'est lui qui commandait. Je ne l'ai pas vu qu'on en a fusillé. Est-ce qu'il était là ? Non, il était parti, mais c'est égal. Tout s'est fait par son commandement. Alors c'est lui qui a tout fait ? Il avait dit « Tué, brûlé, pas de quartier. » C'est un marquis ? Oui, puisque c'est notre marquis. Comment s'appelle-t-il de nom déjà ? C'est Monsieur de Lantenac. Telmarche leva les yeux au ciel et murmura entre ses dents. Si j'avais su. Fin de la section 5.